nous verrons ressurgir des ruines d'Outa, d'Alep et d'autres villes, les fantômes de ces attaques chimiques. France Inter, Affaires sensibles. Aujourd'hui, le drame du peuple kurde, notre invité Bernard Kouchner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes médecin, cofondateur de Médecins Sans Frontières et de Médecins du Monde, plusieurs fois ministre Action Humanitaire, Santé, Affaires étrangères. Mais vous avez été aussi, et vous êtes la S-qualité, depuis 1974, l'un des témoins et compagnons des Kurdes, avec une fidélité jusqu'à aujourd'hui. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré les Kurdes en 1974 et dans quel contexte? Oui. Tout ça est bien sombre. Oui, mais telle est la réalité. La réalité est sombre et les armes chimiques, bien sûr, ont été utilisées, vous le savez, il n'y a pas longtemps encore en Syrie. Mais il n'y a pas que les armes chimiques, je répondrai à votre question, bien sûr, mais on s'indigne pour les armes chimiques, il y a de quoi, bien entendu. Mais il faut s'indigner de toutes les armes. Il y a eu entre 400 et 600 000 morts en Syrie. Et on a laissé faire. 74, c'est bien loin. C'était la première mission autonome de Médecins Sans Frontières. Et nous avions été sollicités par le représentant des Kurdes en Europe, qui s'appelait Ismet Şerif Vanli, qui habitait Lausanne, et qui d'ailleurs prendra un jour une balle dans la tête. On aura sonné à sa porte pour le punir. Nous sommes partis, Max Récamier, Jacques Berès et moi-même, et nous avons rencontré pour la première fois ce peuple fort et doux, si j'ose dire, attendrissant et courageux. Et à cette époque, 74, nous étions bombardés par des hélicoptères que, pour une part, la France avait vendus à Monsieur Saddam Hussein. Et c'était une guerre qui opposait la volonté kurde d'exister, d'avoir, pas un pays, parce que tout ça est... Et ce sont des mots trop forts, mais enfin au moins une autonomie. C'était des gens qui s'affirmaient comme kurdes, c'est-à-dire différents des arabes qui composaient arabes chiites, pour la majorité qui composaient en Irak, qui composaient l'Irak. Et donc la bataille était rude et nous avions découvert le début d'un peuple, les débuts pour nous, de gens plus ouverts, de gens pour qui la religion n'était pas un étouffoir, de gens qui aspiraient à une société plus libre et plus moderne. Voilà, c'est la première fois et depuis, nous ne nous sommes pas quittés, si j'ose dire, très prétentieusement, parce que il y avait d'autres gens que nous, mais enfin, ils sont morts, ça fait très longtemps que... Vous étiez avec eux, avec les Kurdes, très récemment, mais vous y retournez la semaine prochaine, c'est ça? Oui, j'y retourne la semaine prochaine, mais là, je retourne au Kurdistan d'Irak, parce que il y a des universités. Enfin, bref, oui, je les ai pas quittés. Vous savez, c'est difficile de pas les quitter, mais c'est facile de les quitter aussi, tant ils sont batailleurs et souvent opposés les uns aux autres. Alors, il faudrait des heures pour accompagner de nos sentiments les Kurdes qui en ont des plus forts que les nôtres. Oui, mais vous savez, il y a deux choses qu'on aurait dû souligner. Les Kurdes sont des sunnites pour l'immense majorité. Et les gens qui les bombardaient étaient des chiites, pour l'immense majorité. On retrouve toujours cet antagonisme. On retrouve terrible. Ça, mais c'est pas important pour les Kurdes, parce que les Kurdes ne sont pas religieux, mais c'est comme ça. Ouais, absolument. Et puis, l'opération Anfal, que vous avez citée deux fois, et je vous en remercie, elle a détruit 2000 villages kurdes, et en effet, vous avez dit 180 000, à moi, mon avis, c'est plus que ça, mais c'était une guerre, il y a toujours des guerres à l'intérieur. Mais pourquoi ça? Mais parce qu'il y a eu la colonisation, parce que tout ça a été dessiné, surtout à la fin de la guerre de 14, 14-18, on a tracé sur des feuilles anonymes, si j'ose dire, des gros traits de crayon bleu, qui sont d'ailleurs déposés au Quai d'Orsay, je les ai vus, je les ai touchés, je les connais, et on a fait la ligne Sykes-Picot, et on a promis à la fin de la guerre de 14, en 1920, à Sèvres, en France, à côté de Paris, une conférence a dit, évidemment, un État pour les Kurdes. Évidemment. Et en 23, à Lausanne, on a dit, pas d'État pour les Kurdes. Nous sommes responsables de tout cela. Pas seulement les Français, mais Français et Anglais beaucoup. Les Anglais beaucoup. Bien les Français sûr, aussi. Les Français aussi. Et les Américains avec l'exploitation du pétrole. Oui, ils n'étaient pas encore là beaucoup, mais enfin... Mais ils étaient là déjà avec le pétrole. Ah ben, ils étaient avec le pétrole. Vous avez des voitures aussi. Nous sommes tous là avec le pétrole. C'est vrai. Alors, je n'ai pas de vous demander quelle était votre réaction après les massacres d'Al-Abja, évidemment. Épouvantable. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti au fond de vous-même, vous qui connaissez ces gens? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous savez, je suis allé deux fois à Al-Abja, une fois avec Daniel Mitterrand, vous l'avez dit, et il y a eu un attentat contre nous, avec beaucoup de morts. Al-Abja, c'était une zone où vous aviez le sentiment de pénétrer dans la mort, d'être... une partie de la mort, tellement c'était évident, ces entassements de gens et ces... Alors, l'arme chimique est-elle plus redoutable que les autres? J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Oui, bien sûr, parce que, d'abord, elle est interdite, complètement interdite. Vous avez le droit de lancer des bombes, n'est-ce pas, TNT, tout ce que vous voulez, mais pas... Donc ça, c'est une première raison pour s'indigner, bien sûr, mais c'est aussi... Une mort mystérieuse, vous voyez, elle vient par le trou de la serrure, si j'ose dire. Elle vient partout. Et vous, tout le monde a dans sa tête l'image de cette femme devant sa porte sur deux marches et qui tient son bébé. Et la femme est morte et le bébé est mort. On se souvient de ça, parce que c'est terrible. Alors les morts sont toujours innocents dans les guerres ou pas innocents, j'en sais rien. Mais enfin, l'arme chimique, c'est quelque chose de redoutable. Psychologique. Puis ça nous renvoie quand même aux ombres les plus sombres de l'histoire du siècle. Et 1914, vers 14-18. Oui, parce que c'est. Dont on dit d'ailleurs, pardon, Bernard Kouchner, mais que la guerre Iran-Irak a ressemblé beaucoup à la guerre 14-18, avec des centaines de milliers de morts, des gaz. Enfin bon. Ça nous renvoie donc une charge à la fois réelle et symbolique qui est terrible dans les armes chimiques. Oui, c'était une guerre moyenâgeuse. Mais voilà. Enfin, c'était une. Parce que, d'abord, la guerre 14-18, c'était dans les tranchées. C'était à un moment donné, on se levait, on allait. Tuer les autres, ou ne pas pouvoir les tuer et revenir. C'était une guerre épouvantablement primitive. Mais il y a eu Ypres, il y a eu un certain nombre de pays... L'usage des gaz. Oui, l'usage des gaz. Alors là, l'usage des gaz. Mais vous avez eu raison de dire que nous sommes aussi responsables de notre alliance avec Saddam Hussein. Nous sommes aussi responsables, pour une part, de la fabrication des gaz. N'oubliez pas que nous avions prêté, je ne sais plus combien, 8 ou 12 étendards pour se battre contre l'Iran. Et souvenez-vous comment Saddam Hussein était reçu en France entre 1974 et 1976. Vous vous souvenez qu'il y a eu deux flics morts dans Paris? Non. Vous devant l'ambassade. Et je ne pense pas qu'on fait un gros procès à Saddam Hussein. Sa garde a fait feu sur deux policiers français. Oui, enfin bon, nous étions alliés avec un salaud. Il y en a eu d'autres, il y en aura encore d'autres, je m'en dis. Mais ça, c'est vraiment lui, il était particulier. Vous savez pourquoi il y a eu ça? Parce que la Syrie et cette alliance avec la Syrie ou cette alliance avec l'Irak, c'est parce que c'était les deux héritiers, si j'ose dire, du Parti Basque qui a été créé au Liban par Michel Aflaq et qui était un séculaire, c'est-à-dire dont sont issus Assad et Saddam Hussein, hein, c'est même parti basse. Rappelle aux auditeurs le parti basse qui n'était pas un parti lié à la religion. Non, et pour laïque, nous, pour les Français laïques, pas un péché d'être laïque, c'est au contraire une gloire. Une vertu, hein. Ces deux pays, l'Irak et la Syrie, c'était pas dans le monde religieux musulman. Ah. Et donc ça a beaucoup compté dans nos rapports avec eux et nos alliances éventuelles. Voilà, mais enfin, écoutez, en tout cas, nous avons fait ce que nous avons pu. C'était pas grand-chose, n'est-ce pas? La France a refusé très largement de traiter des blessés d'Al-Abja. Il n'y a pas de quoi se vanter. Je ne parle pas de Daniel Mitterrand, qui était magnifique, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs politiques, franchement. Enfin, c'est pas facile d'avoir des alliances impeccables et transparentes au Moyen-Orient. J'imagine, hein. Vous d'ailleurs, qui êtes à vous tout seul, une sorte de carrefour entre l'action diplomatique et l'action sur le terrain, vous savez mieux que personne à quel point il peut y avoir un hiatus terrible entre ce qu'on peut faire diplomatiquement et ce qui existe sur le terrain. C'est toujours très compliqué. Oui, c'est toujours pareil. Moi, je pense que la politique et l'humanitaire sont indissolublement mariés. On peut en faire plus de l'un ou plus de l'autre de temps en temps, mais on peut pas les séparer. Parce que c'est affaire avec des hommes. Les morts, ce sont des hommes, des femmes. Les Al-Abja, ils n'étaient pas responsables, n'est-ce pas ? On a fait ce qu'on a pu. Il y a eu des médecins français, c'est vrai, beaucoup. Et c'est notre fierté. Vous vous souvenez de, bien sûr, j'imagine, de cet épisode de 1989, donc avec Daniel Mitterrand, où 335 réfugiés sont alors accueillis en France à Bourg-Lastic, oui, c'est ça? Oui, on en avait accueilli pas mal, et c'est ce que j'ai proposé il n'y a pas longtemps lorsque les émigrés mouraient en mer. Il fut un temps où nous les avons pris, la France était généreuse, elle était le pays dont on dit, le pays des droits de l'homme. Et de la terre d'accueil. Oui, ceux qu'on laisse mourir en mer, s'ils peuvent penser que nous sommes le pays des droits de l'homme. Oui, en effet, il y a plein de villages, et on avait, mais à Bourg-Lastic, on a donné des possibilités, ils ont reconstruit le village. On pouvait faire ça de cette façon. Il y a beaucoup de place en France. Et contrairement à ce qu'on pense, la France est au 17e rang de l'accueil européen. Bon, enfin, ne revenons pas sur les épisodes douloureux qui nous assaillent. Et qui sont très proches encore. Mais oui, à Bourg-Lastic, ça s'est bien passé. Et il y a eu un certain nombre de volontaires de la fondation de Madame Mitterrand et aussi des médecins, ce qu'on appelle les French Doctors, oui. Qui ont travaillé avec eux. Ça a marché très bien. Vous pouvez les rencontrer. Ils sont complètement intégrés, bien entendu, à la France. À quoi rêvent-ils, les Kurdes? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur dessin, leur rêve de vie? Autonomie, disiez-vous, mais peut-être pas que ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, c'est une question qui, pour y répondre franchement, on fait un peu de mal. D'abord, ils sont claniques. Pas tous. Il y a des partis plus modernes. Mais ils rêvent. Ils ont une très forte identité par rapport aux autres, à l'environnement. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas inféodés à une religion. Ils sont musulmans, et tout à fait légitime qu'ils exercent leur foi, enfin, mais ça n'entre pas dans leur politique. Même les clans, comme celui de M. Barzani, n'ont rien à voir, ils sont absolument, du point de vue de la politique, si j'ose dire, laïque. Peut-être que pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Les femmes et les hommes sont traités de la même façon, pas partout, pas dans le fin fond des montagnes, etc. Mais quand même, au gouvernement, dans les responsabilités, il y a des femmes, et il y a surtout, vous avez des numéros de téléphone au Kurdistan d'Irak, où la femme qui se sent opprimée ou menacée, elle reçoit la visite des flics immédiatement de la police. Non, c'est très particulier, et puis, non seulement ça, mais il y a une appétence au moins pour la démocratie. Donc ils sont très proches de nous, c'est ça qui fait cette identité. Et c'est ça qui fait aussi qu'ils soient les ennemis naturels, du contraire de ça, c'est-à-dire Daesh. C'est tout à fait vrai. Ils sont contre l'oppression, et ils en ont subi beaucoup. Et donc là, successivement, parce que quand on parle des Kurdes, vous comprenez, j'ai bien écouté le très beau récit que vous avez fait. Il faut parler de quels Kurdes? Il y en a 40 millions, vous avez dit 35, il y en a sûrement plus. Mais 40 millions une nation, c'est le plus grand peuple du monde qui n'est pas de nation. Bon. Donc mais il est divers. De Turquie, 20 millions. D'accord. Bon. Il y a des Turcs d'Iran, c'est pas pareil non plus. 7 à 8 millions, c'est pas exactement. Kurdes d'Irak, 7 à 8 millions aussi, et puis les Kurdes syriens qu'on a découverts récemment, ouais. Et qui n'étaient pas les plus favorisés, mais qui sont les plus politiques en ce moment. Et ceux qui se sont sacrifiés pour nous, ceux qui sont morts pour nous, 15 000 morts chez les Kurdes syriens, et je ne sais combien de dizaines de milliers de blessés, je les connais bien, pas tous, mais... Bon, alors... Voilà, c'est ça qui nous attire, et puis la réputation de la France, qui n'est pas toujours usurpée, c'est une réputation d'accueil, c'est une réputation d'ouverture, et puis de générosité, de droits de l'homme. Et... Donc il pourrait y avoir un lien organique finalement entre les Kurdes et la France. Il y a un lien organique, malheureusement, pardon, mais nous ne l'avons pas beaucoup respecté. Et on arrive justement aux choses qui fâchent, Bernard Kouchner. Pas beaucoup respecté pour ceux qui se... Parce que c'est... montrer de la compassion pour ceux qui sont morts à l'arme chimique, je l'ai fait 1000 fois, vous l'avez fait aussi, et c'est bien de l'avoir fait, et nous en sommes fiers. Mais les bébés qui meurent dans la Méditerranée méritent au moins autant d'attention. Mais bien sûr, et nous avons consacré à ces gens-là. Et c'était plus les Syriens aussi. Non, hein. Kouchner, 3 émissions, plus de 3 émissions. Ouais, bah, bravo. Plus de 2, ça fait 3. Voilà. Bravo, ça n'a malheureusement pas changé la politique. Ah bah oui. Non mais je vous reproche pas de pas avoir changé la politique, mais un peu quand même. Bon. Comme je me le reproche à moi aussi. Oui, mais vous avez été ministre, hein. Moi je ne suis que... C'est mon pote, c'est pas le ministre qui décide, on les laisse mourir en mer. Enfin, on peut essayer, oui c'est vrai. D'ailleurs, je suis fier qu'il y a eu 2 bateaux. L'un de Médecins Sans Frontières, l'autre de Médecins du Monde, et qui ont répété les choses et qui ont été faire de l'aide en mer et qui ont récupéré des naufragés. Encore faut-il qu'on puisse dominer nos peurs pour qu'on accueille ces gens. Parce que oui, c'est ça aussi. C'est vrai, tout à fait vrai. Et malheureusement, ceux-là étaient musulmans et venaient de Syrie. Oui, et c'était dans une époque où l'extrémisme musulman, pas les musulmans, mais l'extrémisme musulman nous faisait peur. On va écouter, maintenant on va parler des choses qui fâchent vraiment. On va écouter une archive, une déclaration d'un certain Donald Trump. Écoutez. C'est quasiment seul et contre l'avis des généraux qui l'entourent et de son ministre de la Défense, le général Mattis, que Donald Trump a décidé ce retrait total et immédiat. Même les membres républicains de la Commission des Affaires étrangères du Sénat n'ont pas été prévenus et le sénateur de Floride, Marco Rubio, dit ceci. Cette décision est à mes yeux une erreur colossale qui aura des conséquences lourdes dans les mois et les années qui viennent. L'État islamique a certes été frappé, mais il n'a pas encore été défait. Et il n'y aura plus personne dans la région pour combattre ce groupe. Il va non seulement pouvoir se reconstituer, mais grandir et reprendre des territoires. L'autre raison pour laquelle c'est une immense erreur, c'est que ça laisse le champ entièrement libre à la Russie et même à l'Iran. Voilà, donc c'était pas évidemment Donald Trump directement qu'on a entendu, mais on sait de quoi on parle. Donc Trump décide de partir, c'est-à-dire qu'on lâche nos alliés. C'est quand même l'un des faits diplomatiques les plus scandaleux de ces dernières années. Ça a beaucoup choqué. Mais comment... Écoutez, je ne vais pas vous faire l'analyse psychologique ou psychopathologique de M. Trump. Non, bon. On connaît. Alors ça compte. Mais enfin, vous savez, on a lâché, il n'y a pas longtemps, on a lâché les Rohingyas, on a lâché les Ouïghours, on a beaucoup lâché. Et d'ailleurs, on a aussi lâché. Alors M. Poutine a gagné. Oui, c'est le roi du Moyen-Orient pour le moment. C'est vrai. Mais nous étions aussi avec les Américains, nous étions dans la coalition. Nous avons tenté, en tout cas le président Macron a élevé la voix, très fortement d'ailleurs. Mais c'est avant qu'il faut faire les choses. Le droit d'ingérence, c'est préventif. C'est avant qu'il faut faire les choses. Or, puis nous sommes face à qui ? À la 2e armée de l'OTAN. Hey. Hein ? Nous sommes dans l'OTAN. Ah. Théoriquement, les pays de l'OTAN ne se battent pas entre eux. La situation est assez inédite, mais je ne défendrai pas une seconde la dérobade et la trahison du président américain, bien entendu. Mais enfin, on le savait. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les Kurdes ? Bah, qu'est-ce qu'ils disaient ? On savait que les forces américaines, enfin, il y en avait environ 2000... forces spéciales américaines, nous avions 200 forces spéciales, en gros, avec l'intendance, il y en avait plus, etc. On savait qu'ils allaient se retirer. Et je crois qu'il était... je pense qu'il y avait une solution politique et aucune solution militaire. Je pense qu'il fallait à la fois convaincre, mais c'est très difficile, ça prend des années, oui, c'est comme ça. Il fallait convaincre à la fois M. Poutine et Bachar el-Assad. Nous avons décidé de ne pas parler à Bachar el-Assad, la France. Oui, je ne sais pas si c'était juste à un moment donné, parce que maintenant, finalement, et Bachar el-Assad, et les forces de M. Poutine, ont gagné toutes les deux, et les Kurdes ont perdu sur tous les tableaux. Ouais. Sauf qu'ils sont Kurdes, et qu'ils continueront, et que nous continuerons de les aimer. Alors, c'est difficile, c'est horriblement difficile. C'est dit, le verre était dans le fruit, dès lors que, et notamment la Russie, n'a pas pourchassé Daesh, mais les forces démocratiques. Oui. C'est les forces démocratiques, la cible. Ça n'a pas été Daesh. Non. Donc là, le verre était dans le fruit, déjà. Enfin, oui, sur de mauvaises bases. Mais on ne pouvait pas. Mais les Kurdes nous ont rendu un énorme service. Mais puisque c'est eux qui ont battu, au moins militairement, et au moins pour le moment, Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. Oui. Et donc, c'était nos alliés. Et donc, on les a fournis en matériel, surtout les Américains, mais nous aussi, etc. Alors après, on se trouve... Est-ce qu'on a... Vous comprenez, que pouvait-on faire ? Les prévenir que... Oui, les Américains un jour s'en iront, les Français aussi, puisque le matériel et la communication, etc. Enfin, nous étions liés par cette coalition. Alors, comment pouvait-on s'opposer ? Il y a en plus un chantage que fait le président Erdogan, mais c'est un chantage que nous avons accepté, puisque nous avons donné de l'argent pour qu'il garde un certain nombre de gens dangereux. Beaucoup, hein, beaucoup. Il y a 3 600 000, ils sont pas tous dangereux, là, ce sont des Syriens qui sont réfugiés en Turquie. Et pour le moment, Erdogan ne les jette pas à la porte. Bon. Et puis, il y a des gens, très particulièrement, eux, des islamistes extrémistes, qui sont les gens du Daesh. Et est-ce qu'ils seront accueillis ou passeront-ils sans être accueillis par la Turquie pour se répandre à nouveau sur des cibles européennes en particulier? C'est un énorme danger. C'est un énorme danger et c'est un énorme problème parce qu'on a cru que Daesh était non pas terrassé mais battu. Mais enfin, c'est une mauvaise herbe qui repousse très vite. Très vite. Mais enfin, pas baisser la garde, on est bien d'accord. Non, ils ont été battus militairement par les Kurdes et voilà que nous, on punit les Kurdes. Enfin, nous. Mais le monde occidental. C'est absurde. Bah, c'est dégueulasse. Absolument. Absolument dégueulasse. Bon, nous n'allions pas seuls faire la guerre à l'armée turque. Non, c'est clair. Alors oui. L'Europe, on en revient toujours. Pardon, mais on en revient à la question. Et l'Europe, alors? Eh ben, c'est évident qu'on revient à ça. Et nous avons loupé l'Europe, disons les choses. Nous avons loupé l'Europe. Sur ce point-là, oui, notamment. Sur ce plan-là, c'est évident. Et c'est évident. Oui, nous n'avons pas de défense européenne. Pourra-t-on en construire une au moment où le Brexit est en train quand même d'arriver à ses fins, et puis l'Italie tremblote de l'autre côté, et puis voilà, nous ne faisons pas assez d'efforts entre la Chine d'un côté, je vous parle pas de monsieur Poutine qui va bien falloir, comment dirais-je, apprivoiser un jour, plus que nous ne le faisons, mais en tout cas par la Chine et des États-Unis, on a besoin d'une Europe avec une défense européenne, c'est sûr. Je pense que tout le monde le sait, mais que personne ne veut céder la moindre parcelle de son pouvoir. Comment voulez-vous Il n'y a pas eu de vrai élan vers une Europe fédérale. Alors, comment voulez-vous que les peuples aient confiance en l'Europe? Bon, il y a eu des très grands succès. Mais il faut succès, continuer. Bon, là, par exemple, ça choque. Mais alors, Kouchner, on arrive à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui? Parce que j'imagine que le mot retraite n'a aucune signification pour vous. Vous n'avez pas l'air. Je ne suis pas à la retraite. Au contraire. Vous êtes très actif. Bah, écoutez, moi, ce que je pense, c'est que tant que les Kurdes ne seront pas capables de s'unir, encore une fois, ils sont 40 millions, qu'ils arrêtent d'agir, Kalachnikov à la main. Je veux pas qu'ils cessent de se défendre, au contraire, ce sont des rugueux, il faut qu'ils le fassent. Mais il faut qu'ils se parlent les uns avec les autres. Tous les Kurdes, pas seulement une petite parcelle, puis une autre, puis une autre. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Bernard Kouchner. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la condition des Kurdes, l'histoire des Kurdes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Il y avait aussi Ludovic Asselot à la technique aujourd'hui.